Estás escuchando, Onda Terral, la buena onda malagueña. Guau, guau, guau, guau, ¿qué es lo que pasa aquí? Prepárate para la automarisa. Comienza el Habla Party. Escúchalo. Soy tu polla, tu primo aquí el canío de lujo. Él es con el flaco, dame el micro que te crujo. Siempre arriba, te lo juro por la mama. Blam, blam, bebe vino y fuma tu tabaco. En el banco sentado con el canillo super flaco, yeah. No te quedes ahí estancado con tu cara de cohío. Tú solo escuchas el canillo, rollo a los Tito Paco. Compadre, de la calle vengo, muchacha. No salga corriendo, acércate a ellos y baja nota. Quiero su reñito, mami, yo te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Muy buenas tardes, cuando son las 12 y una hora menos en la comunidad canaria. Estáis escuchando el Habla Party, el programa de rap de Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Y como dije la semanita pasada, nos trasladamos, nos mudamos a, del viernes al sábado por temas laborables. Sé que una horita para algunos son complicadas porque no es por la noche, a lo mejor están trabajando, pero bueno, podéis poner en la Black Party mientras estáis trabajando, mientras estáis bebiendo una cervecita, Miguelón, una cervecita con un pisco labi, mientras estáis haciendo la comida, en cualquier parte podéis escuchar en la Black Party de Onda Terral. Ya sabéis, hay dos maneras de escuchar Onda Terral: a través de la web www.ondaterral.com o a través de la aplicación. Ponéis Onda Terral, os bajáis la aplicación y le dais a directo y sonará lo que estáis escuchando ahora mismo, que es el Habla Party. Y empezamos con una cosita muy guapa. Hoy tendremos una horita de rap francés y vamos a comenzar, ¿no?, con algo guapo, ¿no? Vamos a comenzar con Les Ex, aka X-Men, un grupo de allí de Francia, y su tema se llama Guan Guan Guan, y con esto comienza el Habla Party. Escúchalo. Te livre un truc qui te fait des bancs, hey, c'est bon, hein. Sorti fraîchement de tes enceintes, tapement 5, on fête la sortie de l'album. Oh, t'es venu tout seul, mais faux, être accompagné de go. En duo face au même duel, tu connais le thème. Tune, shoon, gun et blunt de skunk. Quelques lattes et goodbye, tant pis si t'as pas le funk à bord du Voltaï. THC 747, j'ai bientôt l'escale pour ceux qui ne sont plus high, you get down. Pour les autres, on poursuit le vol et on vous guette d'en haut. Le commandant de bord cassé se défond, mais dans ma tête, wow. Une partie d'esprit vif pour piloter le zinc. C'est la bringue avec les hôtesses à l'avance et le gangbang. Mes tests en 4 crash pour pas stress. Y'a des masques oxygène pour inhaler les vapeurs du coin. Du jet tank, casse, injecte donc son lust. J'traverse le Mekong en volant ou en autobus. Mes appareils indiquent fuel low, mais j'ai toujours flow qui te fait poser en parachute là où il faut. 1, 1, 1, 1, 1, 1 pour la marijuana, 2 pour l'héroïne, 3 pour les gens que la rue a rendu locaux, 4 pour les space MCs internationaux ou locaux. 1, 1, 1, 1, 1, 1 pour la marijuana, 2 pour le popo, 1 pour l'héroïne, 3 pour nos gens que la rue a rendu locaux, 4 pour les space MCs internationaux ou locaux. Est-ce que t'es là? Oui, pour le la, oui. Goûter la vie, oui. Juste en Yougoslavie. You know, c'est la vie. Comme respecter ami. Bah, maman, papi, mamie et la famille. Oh, j'ai le flow qui flotte. Je suis high avec le copilote. On fume les plantations secrètes de Kadhafi. X Airlines, lyrics vrai vibes. Casse, Gardo, frère de Mike. Je suis défoncé, là c'est officiel. Il et les autres officiers, parfume le logiciel. Décolle du sol, décolle du ciel. Jamais virtuel n'est devenu aussi visuel. Je vois même dans les amphis croustillant, je vois le flow hydraulique sur des cendres bruyants. Profite de l'hypocrite comme de sang criant. Oh, passe-moi ce zippo vite. Je fume près de l'enceinte, mais y'a un mec qui ne me parle qu'en criant. Donc je le fume comme l'encens et je deviens si fertile que ces pédés d'MC sont enceintes alors qu'ils baissent ensemble. Moi, moi, moi, pour la marée, deux pour le popo, un pour l'héroïne, trois pour nos gens que la rue a rendu loco, quatre pour les spécialistes internationaux et locaux. One, one, one, one, one. Un pour la marijuana, deux pour le popo, un pour l'héroïne, trois pour nos gens que la rue a rendu loco, quatre pour les Space MCs internationaux et locaux. Et tout le crew est fou. On vole grâce aux hélices, grâce aux hélices, plane au-dessus du sol, grâce aux épices. Une fille dit qu'elle sait tenir le manche grâce au pénis. N'occupe pas de l'original et surtout pas de bêtises. Non, et enlève-moi ses dévices. Fais sa taf taf, mais fais gaffe, finish. Facial, sale à la fuite, glacial. Faut pas que ça te nique les yeux. À bord du voile hardcore, il le seul bruit spatial. Redescend sur terre que pour conduire une puce spacieuse. Taillé, on amorce la descente. J'appelle la tour de contrôle, sortez les airbags géants. Je suis en chien de feuille en forme de L. Retour au réel, on quitte le ciel et on se rapproche du sol. Espérant que vous avez apprécié le vol. Il y a une case, vous souhaite un bon séjour MC au bout de la colle. Et reste calme comme quelqu'un qui contrôle son fond et sa forme. Même si on s'enfume, l'éveil est toujours en bon goût. Un pour la marijuana, deux pour le popo, un pour l'héroïne, trois pour nos gens que la rue a rendu coco, quatre pour les Space MCs internationaux et locaux. Un pour la marijuana, deux pour le popo, un pour l'héroïne, trois pour nos gens que la rue a rendu loco, quatre pour les Space MCs internationaux et locaux. Un pour la marijuana, deux pour le popo, un pour l'héroïne, trois pour nos gens que la rue a rendu loco, quatre pour les Space MCs internationaux. Pues ahí teníamos un saludito de Paco, nuestro conductor de autobuses favorito, que esta tarde le toca currar. Hoy está escuchando el Blast Party y viendo al hijo de jugar baloncesto, así que ahí también. Y tenemos más saluditos a ese Moy, esa Isma, esa Everly, esa Andrea y Paula, claro que sí, esa Demi, Jairo, Rachel, Jordan, a las niñas de Carranque, esa Carmen que también está escuchando, esa Raquel, a Ana, hombre, por favor, a mi Miguelón, que me acaba de mandar una foto diciendo ahí con mi cerveza. Bueno, iba a decir con mi zumito de cebada. Con mi cervecita y escuchando el Blast Party. A el Fran, el Canío DJ, a esa Vane, a esa Davinia que me está escuchando. Davinia, que es nuestra compañera y tiene dos programas, cada uno quincenal, los jueves de 9:30 a 10. Uno es Dóblame Mucho y el otro Suena de Cine, aquí en Onda Terral, ¡cómo no! Y seguimos con más cositas, seguimos con más grupos. Este grupo viene de San Denis y se llama la Supreme NTM. Esto es Mabel y aquí canta con Lord Cosity. Escúchenlo aquí en Onda Terral. Así que lo del bueno, compi. Yo, Rude Boy. Jaguar Gargan, Cool Chain, Lord Cosity. Come back again, no man. Everyone from the truck. Every time I'm coming with Velcar. Real. He come on and with the Benzizer. Let's pass some sense. Don't have Benz. Girl, cut it right. Don't come pass a more gang. Let's pass some sense. Don't have Benz. Girl, cut it right. Don't come pass a more gang. Mes gars, j'ai sexy. Viens voir Cosity. Original Wakaman dans la ville de Paris. Gars, j'ai joli. Dans ton verse à chiche. Viens t'amuser avec un DJ top celebrity. Et c'est Wine Moja. Carré sur le groove. J'aime les gars, surtout quand les gars move. Hey, yeah. Move up, rough comme une loupe. Bouge au corps de la tête aux pieds. Et lâche ta posée. Move up, girl, wine ton body. Montre-leur que t'as pas peur d'exciter tous les bandits. Ouais, comme une vipère, si t'as le savoir-faire. T'inquiète pas, y'a pas de galère, je le dirai ni à ton père. à ta mère. Ondule comme un ver de terre. Jette-moi dans les yeux ton regard de panthère. Laisse-moi zoom zoom fun dans ta Benz Benz Benz. Gun quand tu whine ton bon passe avant gun gun gun. Laisse-moi zoom zoom fun dans ta Benz Benz Benz. Gun quand tu whine ton bon passe avant gun gun gun. Laisse-moi zoom zoom fun dans ta Benz Benz Benz. Gun quand tu whine ton bon passe avant gun gun gun. Laisse-moi zoom zoom fun dans ta Benz Benz Benz. Gun quand tu whine ton bon passe avant gun gun gun. Audio explique là. Ça se passe à l'arrière du Merco Benz Benz Benz. Ouais, du côté de Sunny, baby. Je garantis qu'il y a que des dingues, dingues, dingues. J'ai ma mère, je suis la flèche. Que ton entre Jean bâtira mort de Lufia. On vivra en nos troupes, toi et moi. Mais ce soir, faut que ça brille. Faut qu'on enquille, je veux du freestyle. Je veux que tu réveilles, tu stimules mon côté bestial. Pomme, baby, monte sur mon scène, scène et fond. Je la ferai façon, je te queue. Putain, y'a que ça qui me rend joke. À ton contact, je deviens liquide. Liquide, c'est comme un trou intemporel. Bouge ton corps de flamme. Regarde le long de tes hanches, je coule. Ondule ton corps, bébé, ouais, ok, ça roule. Je deviens saisissable à ton contact, l'air est tumide. C'est comme une étincelle dans ton regard à vide. Laisse-moi zoom zoom fun dans ta Benz Benz Benz. Gun quand tu whine ton bon passe avant gun gun gun. Laisse-moi zoom zoom fun dans ta Benz Benz Benz. Gun quand tu whine ton bon passe avant gun gun gun. Laisse-moi zoom zoom fun dans ta Benz Benz Benz. Gun quand tu whine ton bon passe avant gun gun gun. Laisse-moi zoom zoom fun dans ta Benz Benz Benz. Gun quand tu whine ton bon passe avant gun gun gun. Ce soir faut qu'on se fâche. Bébé, faut qu'on se clash. Clairement, ouais, faut pas qu'on fasse ça bêtement. Donc mouf ton bali, fais bander les bandits. Puis ton bande a brandi, le temps sortira grandi. Tu sais ce qu'on dit, faut que ça glisse. Et puis que ça transpire, que ça me fout en transpire. Faut plus que je respire, tu te donnes moi. Donne-toi, donne tout ce que t'as. Putain, c'est fou ce que t'as, comme talent. Mais où ce que t'as appris tout ça. Après tout ça, je m'en fous, je veux juste que tu puisses me kiffer jusqu'à l'eau. Donc vas-y, monte sur mon scène, c'est du fond. Yeah, man, 93 style. Laisse-moi zoom zoom fun dans ta Benz Benz Benz. Gun quand tu whine ton bon passe avant gun gun gun. Laisse-moi zoom zoom fun dans ta Benz Benz Benz. Gun quand tu whine ton bon passe avant gun gun gun. Laisse-moi zoom zoom fun dans ta Benz Benz Benz. Gun quand tu whine ton bon passe avant gun gun gun. Laisse-moi zoom zoom fun dans ta Benz Benz Benz. Gun quand tu whine ton bon passe avant gun gun gun. Hey girl, si tu vois une merco noire arriver avec les vides. Boomin System, c'est ma Benz Benz Benz. Et on va zong zong zing avec Jaguar, Gorgon et Cool Shell. ESP baby, 93 style. Le Constitue style. All bad boy, no respect, one yeah. Ce que tu sais, West Indies, we are the best. Pues ahí teníamos Maven colaborando con ellos, Lorcos, y un poquito de raga para el cuerpo, ¿eh? Un poquito de raguita bueno. Y desde Marsella nos llega Shuri Kane, que aparte de ser rapero, es practicante de artes marciales, mayormente Kung Fu. Y colaborando con Shuri Kane, canta Frima y nos llega este Sac de Rien. Esto sí que es un temazo. Sûr de rien ici, l'oubli guette les mecs à chaque coin de rue. À l'affût, prêt à bondir sur l'individu. Un mec s'endort sur le trottoir, des mots résonnent dans sa mémoire. Faim, froid, besoin d'espoir, mais c'est trop tard, les gens ne sortent plus le soir. Trop peur qu'un jeune loup les frappe dans le noir. Alors ils vivent dans un isoloir arrimé à la télé, y'a pas de temps à gaspiller. À saluer le voisin de palier, après ça va critiquer. Ils parlent de délinquance, je parle de pauvres mecs perdus pour qui de toute chose. L'opulence et l'essence, un tuyau, une bonne cage thoracique. Quelques litres, on joue à l'homme qui tombe à pic pour briser le cycle. Les cascades sont pas doublées, dérapage incontrôlé, dur d'effacer. Les fautes passées, les ressasser, c'est insensé, mais c'est le seul moyen d'exister. Une ligne, un tracé qui dit que tu vis, on sait jamais, t'es sûr de rien ici. T'es sûr de rien là où je vis. Ce que nous vivons c'est pas une vie ici ou ailleurs. Y'a pas de saison, la guine suit nos talents. Rien n'est prévisible sous le néant. Pour pas finir marrant, combien joue les nuisibles. T'es sûr de rien là où je vis. Ce que nous vivons c'est pas une vie ici ou ailleurs. Y'a pas de saison, la guine suit nos talents. Rien n'est prévisible sous le néant. Pour pas finir marrant, combien joue les nuisibles. Certains trouvent, certains cherchent, ceux-là chercheront toujours si personne ne leur tend la perche. C'est perdu d'avance, on persévère avec un persévère. On s'en sort parfois, sinon les chimères hantent les esprits. Quand ils sont clairs, c'est la guerre. Dans les maisons, rien ne va plus, mais y'a que là qu'on se sent concret. Aimé à jamais, malgré les méfaits, heureux, on se maque, morphé, rassuré. Une mère, c'est une mère, tu sais. et c'est tant mieux. La spiritualité manque, le vital pèse, avoir un toit, un chez soi. L'abstraction du moi c'est dur, à la fin du mois l'exemple est partout. Du coup on met tous les atouts, et malgré ça pas moyen de mettre la poisse à genoux. Laisser la trace d'un passage éphémère, dire qu'on a vécu, ne pas finir comme une chanson qui meurt parce qu'on ne la chante plus. C'est le Graal que chacun poursuit, sans répit, souvent pendant plus d'une vie. Mais bon t'es sûr de rien ici. T'es sûr de rien là où je vis, ce que nous vivons ça pas une vie. Ici ou ailleurs y'a pas de saison, la dîne suit nos talents. Rien n'est prévisible sous les néons. Pour pas finir marron, combien joue les nuisibles. T'es sûr de rien là où je vis, ce que nous vivons c'est pas une vie. Ici ou ailleurs, y'a pas de saison, la guine suit nos talents. Rien n'est prévisible sous les néons. Pour pas finir marron, combien joue les nuisibles. L'incertitude déballe son inquiétude, son lot de solitude. La paranoïa dans toute sa plénitude. Bientôt une balle jaillira d'un tube, aussi sûrement qu'une étoile. Une âme peut s'arrêter de briller, en plein milieu d'un passage clouté accepté. Ce fait pousse les mecs à risquer le tout pour le tout, à rendre coup pour coup au sol, ne pas poser le genou. Confiance avare, le sourire s'égare par peur. Le manque de je t'aime donne la rage au cœur. En sueur, voyant la fin, les pleurs devant un faible pourcentage de bonheur. Les gosses deviennent des terreurs dealers. On peut pas dire ce qu'on a jamais entendu. Alors on grandit seul, on vieillit seul, on meurt seul. Tout ça sans avoir vécu. Planté devant le miroir, le temps qui passe laisse des marques sur le visage. Vite, faut laisser la trace d'un passage. Quelqu'un verra un nom gravé sur un plan public. À moins que tout ne soit qu'un rêve, t'es sûr de rien ici. T'es sûr de rien là où je vis. Ce que nous vivons, c'est pas une vie. Ici ou ailleurs, y'a pas de saison. La guine suit nos talents. Rien n'est prévisible sous les néons. Pour pas finir marron, combien jouent les nuisibles. Bueno, pues se conecta aquí nuestro compi José, que tiene el rincón del jazz, el hagamos el humor, las cosas de la birra. Bueno, es polifacético, se lo pilla todo el lío puta. Y me dice, bueno, como yo siempre digo, José, el mejor locutor de Onda Terral, me dice José que diga que me están escuchando desde Praga. Digo, hostia, pues nada, saludito a los praguenses, pues también ahí llega Onda Terral. Si es que Onda Terral es international. Y seguimos con más cositas. Otro supergrupo de Francia se llama Science Super Crew. Esta gente han colaborado mucho con Butan Clan, tiene así el mismo estilo de los Butan, y vamos a escuchar este yo. Y ahora lo digo yo, vale, no lo digas tú. Escúchenlo aquí, Onda Terral, Science Super Crew. Le match, les joueurs match, au franc catch. Victoire, il y aura même si elle sera falche. Toi, dans ta dream team ou devant ta dreamcast. Le crime des défenses. Si c'est là, division. De mon coup sont dressés. De ta division. Dans toi, Lux et dressés. Une fête de corps. Et tes partenaires blessés. Dis pas que de la faute à trop de blessés. Essaie d'être moins perso. Même si l'équipe est dispersée. C'est le collectif qui doit percer. La défense de ses forts. On dit, Magnus, ça c'est le mot. Son roi de sport. Faut m'écouter, v'là l'équipe redoutée. Ouais. Pas de place pour les violons. Non. Si on vient de prendre un coup, c'est pas grave. Si je reprends la coup, ça sera grave. Le sujet de mon équipe, c'est les choix. Slide rouge, mon l'asse du ballon. L'homme qui travaille, tu joues le salon. J'ai le stramar dans les talons. Ton équipe m'est fait gaulerie. Que ton attaque, mogolerie. Ça, c'est une drôlerie. Regarde même mes grolleries. Mais ouais, sache que tout est permis. Pour démonter la dermie, tu veux la balle. C'est parti, va voir dans les gars, t'es servi. Et ton bon attrape une hernie. Fallait pas s'agiter comme termite. La rubée, si t'es pas ça, tu t'écrases comme des termites. Merci. Ah bon, toi-même tu sais, j'ai la méthode pour mettre des buts à qui tour pour le projet des guillards. Y'a fils selon, avant toi, Phoenix. Fat bull ici c'est football de cité. Si t'es fat bill dans les billboards. Attends, j'ai même pas commencé. J'ai même pas foutu t-shirt, même pas serré mes lacets. Tu viens, que j'ai déjà pété ou deux gens. Tu viens prendre la même avec tes trucs qui datent d'un ou deux ans. Il est vrai que je possède un coup de facile. Ah, c'est pas tout le temps de ma faute, t'as vu, un des gens sont fragiles. Sur le terrain, je peux pas laisser une balle, c'est pas un short bleu. Parce que John Light, pour tous ces cas. Camel, ça, c'est encore installé dans les jeux. Car y'a vraiment pas moyen que la balle, c'est pas du quoi ça avant de te présenter dans moi. Dans les cachets, faillard. Là, ça passe dans laquelle j'ai rien aimé. Je vais dans ce périmètre comme un propre sommet. Mais si t'as le courage, tu fais les deux pour m'aider. J'suis tête que c'est à cela, faut passer. Escucha que te interesa. Te ofrecemos en tan solo un clic un asesoramiento íntegro a nivel nacional. En Tu Asesoría Digital te atendemos tanto presencial como telemáticamente y estamos a tu disposición para cualquier consulta o gestión. Realizamos todo tipo de trámites a particulares como a pymes de cualquier sector. Consúltenos sin compromiso en Instagram o en Facebook como @tuasesoriadigital o llamadas y WhatsApp al 623-560274. Tu asesoría digital. Hacemos fácil lo difícil. ¿Alguna recomendación para una comida? Pues tengo un descubrimiento, pizzería Frascati. ¿Frascati? Suena italiano. Justo, en pleno corazón de Guadalmar, con una terraza muy amplia y fácil aparcamiento. Oye, pues eso me interesa, que vamos todos los compañeros de trabajo. Nada, como si vas sola, yo fui con mi pareja y el trato siempre es de 10. Genial, pues me lo apunto. Pues problema resuelto. Disfruta de una rica comida italiana, con especialidad en pizzas y pastas. Reservas o comida para llevar llamando al 952-237-090. Frascati. Tutto bene. Cuadros modernos y láminas decorativas. Decora tus paredes con J. López Creaciones. Encontrarás colecciones exclusivas a muy buen precio. Búscanos en Instagram como J. López Creaciones o teclea en Google joselopezcreaciones.wordpress.com. joselopezcreaciones.wordpress.com. Tus paredes tendrán cosas que contar. Y ahora, si vienes de parte de Onda Terral, te hacemos un 10% de descuento en tu pedido. Tu barbería en Málaga es Peluquería Dani. Te orientamos aconsejando en tu corte de pelo para que consigas tu propio estilo. De lunes a viernes, de 9 y media a 1 y media y de 5 a 8 y media. Y sábados, de 9 a 2. 952-08-3439. Estamos en calle Gaucín 12, local 2, Málaga. Ah, y ahora puedes reservar cita con antelación en nuestra app. Entra en tu Play Store y teclea Dani Peluquería. Visítanos y ponte en manos de Peluquería Dani. Y después de este bloque de colaboradores, seguimos con más cositas de rap francés. Viene de Senegal, se llama MC Solar y en 2003 saca el álbum Más G. Estoy hablando de eso, de MC Solar, y su tema se llama Bling Bling. Vamos a escucharlo aquí en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Fiquelo del bueno, compi. Commencement était le verbe, puis il y a eu adverbe, proverbe, puis vers les pros du verbe avec de la verbe. Je crois que manier les mots est devenu mon activité. Maintenant le bic sont permanents comme la radioactivité. Jadis comme Christophe, j'ai crié Aline. Puis ce fut King, Yellow Man et le Jingalingaline. face à la poste. À l'époque avec le boss, les boss du boss, ils nous ont dicté la riposte. Sage comme Télélélène ou comme Soupélélélène. Ego tripping, dandy class top. Télélélène, je vois bien dans un clip au sonar avec des go. Champagne dans la main gauche avec des chaînes en roro. Chauffeur de Cadillac qui me mène vers le Zodiac. Retour par le lac au volant d'une jolie Pontiac. Big Badouze, manicure à la française. Et celle qui ferait des cœurs s'appellerait Jennifer Lopez. Ça raconte pas. On va t'éliminer. On va dire blabla. Rien ne tu filmes. Tu sais la vie c'est pas ça. On va t'éliminer. On va dire blabla. Claude MC. Non ça raconte pas. On va t'éliminer. On va dire blabla. Rien ne tu filmes. Tu sais la vie c'est pas ça. On va t'éliminer. On va dire blabla. Deuxième scène. Je croque dans une part de pizza. Quittant le plaza, direction la piazza. Et je chine jusqu'en Chine pour trouver le bling bling. Que je me colle sur les chines, même si ça vaut des chings. J'suis pas né pour faire Paris, Jep, Ayep. J'fais des youpi youpi yep. Quand j'vais vers le sunset, c'est jet privé. Des costards, cool hélicoptère. Escorté par des militaires et ça de coléoptère. Appelle-moi Sola, oula, oula, ou le climat, ou le houle, ou la houpoule, allumette dans la guerre du feu. La vérité sort de la bouche des bambins. Et chaque fois que j'vais trop loin, j'entends ce genre de refrain. Ça raconte pas. On va t'éliminer. On va dire blabla. Rien ne tu filmes. Tu sais la vie c'est pas ça. On va t'éliminer. On va dire blabla. Claude MC. Non ça raconte pas. On va t'éliminer. On va dire blabla. Rien ne tu filmes. Tu sais la vie c'est pas ça. On va t'éliminer. On va dire blabla. Appelle-moi pas parce qu'avec la clique le bic on écrit l'encyclique. Sans apologie du clic. Phénomène de mode, phénomène cyclique. Toi-même tu sais que quand j'ai ce qu'on appelle le micro, je balance les textes et les mots illico et ça pète comme de la nidjo. Je fais partie de ceux qui quand ils ont le mic saute sur le beat et les rythmes seulement fantasy. Un mot fanatique du hip hop non-stop. Et quand je prends le mic ce n'est pas pour bricoler mais le développer pour t'envelopper. Pas de temps donc de la vélocité. Dans la ville le malin et le vil. Les descendants des déplais sur le Nil. En uniforme tout comme en civil. Avec le diable il assigne le deal. Les crapules, les pulls et les pollues veulent me faire avaler la pilule. Mais je vole avec les libellules. Il est dit que toutes les étapes je brûle. Ça raconte pas. On va t'éliminer. On va dire blabla. Rien ne tu filmes. Tu sais la vie c'est pas ça. On va t'éliminer. On va dire blabla. Claude MC. Non ça raconte pas. On va t'éliminer. On va dire blabla. Rien ne tu filmes. Tu sais la vie c'est pas ça. On va t'éliminer. On va dire blabla. Claude MC. Non ça raconte pas. On va t'éliminer. On va dire blabla. Rien ne tu filmes. Tu sais la vie c'est pas ça. Pues sí que es un temazo de MC Solar, bling bling, guapísimo. Y vamos a saludar también porque se acaba de conectar esa Gema que ahí está escuchando. Le he dicho, mira, si están tus hijas, también la saludo. Y dice, no, no, saludo para mí solita que estoy sola. Bueno, pues entonces ya está. Saludito para ti, Gema. Y seguimos con más cositas. Aquí vamos con una diva que de origen argentino. Y hablo de Kenny Arcan. De Kenny Arcana y escuchamos este temazo que se llama Victoria. Un poquito de francés, un poquito de español, así hemos escuchado ahora antes un poquito de raga, pues ahora un poquito francés, un poquito español. Y esto sí, esto que suena sí que es. Esto sí que es un temazo. Un temazo. Vamos con Kenny Arcana y su Victoria. C'est Victoria, né il y a 14 printemps dans un village près de Salta dans lequel je vivais avant. Cela fait maintenant plus de 10 ans qu'avec papa et maman, mes frères et mes sœurs, on a quitté nos champs. On est venu s'entasser dans une de ces cabanes à l'entrée de la ville. C'est papa qui l'a construite mais elle est pas finie. Je n'ai que des vagues souvenirs du village. Maman pleure quand elle m'en parle car elle n'aime pas la vie ici. Des étrangers ont brûlé nos maisons pour nous voler nos terres. Papa s'énerve, moi je comprends pas, il parle d'agroalimentaire. Il dit que les politiques sont des prédateurs qui sèment la peur et qui ont un estomac à la place du cœur. Ici pas de travail, aucune prière ne s'exauce. Après les cours avec ma sœur, on vend des bracelets de pesos. Mais malgré tous ces efforts, demeure ces jours sans repas. La nuit maman pleure, la nuit maman ne dort pas. Nosotros, hija mía, no perdí las esperanzas. Estos malditos dictadores jamás podrán destruir la lucha de los pueblos que no pueden olvidar. A su desaparecido. Mon voisin m'a dit Pendant la dictature, c'était plus dur, alors je vais pas me plaindre. Même si ici y a pas de futur, moi j'aime bien les études. On m'a dit c'est bien, mais inutile. Ici beaucoup ont arrêté avant même de savoir écrire. Dans mon jardin secret, je cultive le rêve d'être médecin, soigner tous ces enfants malades qui ne mangent pas à leur faim. Je comprends pas. Dans la ville, je vois bien tous ces petits faire la manche devant le mépris de ceux qu'on appelle les gens bien. Je m'interroge, ne voient-ils pas la misère? Ils nous écrasent pour bénir l'homme venant de l'autre hémisphère. Papa dit qu'on est traités comme des chiens. Dieu merci, j'ai ma famille. Plus loin, y a des orphelins qui vivent dans les décharges. Des fois, je pleure en cachette, mais pas longtemps, car je pense à mes aînés qui ont connu le chant des mitraillettes. Et puis grand-mère disait toujours, la vie c'est l'espoir. Si t'en as plus, t'es comme mort, et vivre lève de l'exploit. Esperanza, estos malditos dictadores jamás podrán destruir la lucha de los pueblos que no pueden olvidar a sus desaparecidos. Il a frôlé la folie quand un matin il a appris que la banque lui avait volé ses économies. Impuissant, tout le monde était affolé. Il n'était pas le seul, c'est la nation entière qui s'était fait voler. Depuis ce jour, avec beaucoup de gens de la ville, ils bloquent les routes pour bloquer l'économie du pays. C'est leur façon de se faire entendre. Mais moi j'ai peur quand ils s'en vont, il y en a qui reviennent pas. La police est violente, ils les appellent piqueteros et les journaux sont des menteurs. Ils disent que c'est des bandits. Après, il y a des gens qui ont peur. Papa dit, ils peuvent tuer des hommes, mais ils ne tueront pas la mémoire. Les mères des disparus chantent toujours contre l'oubli. On vit le fruit d'une démocratie ratée. Dans un pays si riche, tant d'enfants n'ont dans le ventre qu'une tasse de maté. Parce qu'on est dirigé par la mafia du crime. Moi je comprends pas et quand je demande pourquoi, on me répond toujours qu'on est en Argentine. La pauvreza no es deshonra, si se vive con dignidad. Piquete los cartoneros, en la lucha de los pueblos, en memoria de Marco Guevara Zapata. Juntos hasta la victoria, juntos hasta la victoria, juntos hasta la victoria, juntos hasta la victoria. Otro que se conecta escuchando en la Blast Party es Carlos y me dice, se llama Carlos y está en modo Mari limpiando. Pues ahí estamos, limpiando, escuchando en la Blast Party. Miguelón con su rubia gallega escuchando en la Blast Party. Aquí en la Blast Party a las 12 de la mañana hay mucho, mucho temita, ¿eh? Así que seguimos y seguimos con otro grupo de Marsella. Esto se llama I Am... Entre otros está originario de Akenatón, Shuriken, Freeman y saca este Independencia. Mon histoire de France à moi commence par un génocide, ses pensées maussades. Romance, une revanche impossible. On est tous fils de la Bible. Blague et blague au mic en habit bleu. Nous on maquille ces putains de feuilles immaculées en nuit bleue. Ils brandissent la Bible et mettent Jésus à tort de l'intox. Ils nous ciblent avec la rabla comme du flitox. Moi je revendique ma différence dans ce pays merdique. Doucement, hein, doucement, t'inquiète, on fait les sous sous le manteau car tous mentent. Comment leur faire croire? C'est qu'il n'y a pas que des cancres là, moi je manque là. Mon encre là, bave des cancres là. Mon âme striée par les vicissitudes. Glace un cœur froid d'habitude, noir de bitume. La vie, cette vie, ça l'est. Ouais, vu d'en haut, y'a pas de frontières, c'est géant dans le néant. Les néons flash, amenés en galère, en bas, c'est un fion béant. Dans chaque pas, le recueil de notre juste lutte, ainsi Dieu l'a voulu. Édifiant, et nous, ainsi Dieu. Que se remplit de sales principes, gise là. Rise là, verdure persiste, vise et mise là. Que tous ces chiens crient viva sentenza. Le mal qui nous berce, nous on y perd. Chez Potenza, Mike Liberta, Mike Umberta. La vie est mal faite, et pour beaucoup, elle finit perda. Que se remplit de sales principes, gise là. Rise là, verdure persiste, vise et mise là. Free, l'indifférence, tri, les conséquences qui défient ma fille, l'insouciance, lit. Mars by night, Mike branché, je débarque pas d'un boat sur buton. Sur orbite, les écrits m'énotent. Independenza pour nos troupes au complet. Propageant le plastique dans les foyers, mieux qu'un amas. Exempté, devoir d'aller dans l'allée. Où je devais être, je trouve mon chemin. Je tombe sur terre, une comète allée. Mes motifs sont bien meilleurs que mes méthodes. Ton tube cathodique allume le blé. la l'histoire apologique. God, fantasmagorique, ma prod mieux qu'une drogue euphorique. Tiens. Sur nos sens d'ordre, vas-y, qu'on braque les faisceaux sur nous. Chacun détient son réseau. Chez vous, gros dans le vice, les grosses vis beaux. Le monde s'agresse, se graisse, régresse. Dresse ton bilan, ce qu'ils pondent ici, c'est pour leur adresse. Nac. Ces chiens crient viva sentenza. Le mar qui nous berce, nous on y perce. Les potenza. Mike Liberta, Mike Umberta. La vie est mal faite, et pour beaucoup, elle finit berda. Que se remplit de sales principes, gisla. Grisla. Verdure persiste, vise et mise là. L'indépendenza. Que tous ces chiens crient viva sentenza. Le mar qui nous berce, nous on y perce. Les potenza. Regarde ces lumières étranges orange. Tu crois que c'est le pays qui change. Franchis le tunnel de l'Estac. Écoute, t'es même plus en France. Pense qu'ici plus qu'ailleurs, la différence est une valeur. L'indépendance dans toute son ampleur. Rien à voir avec la chaleur. Mais ça bouge dans tous les sens. Les gens proscrits tentent leur chance. Osent à force de rien avoir. Je fais de grandes choses avec des bouts de craie. Le ciel toujours sûr, mais pas assez dans la tête. Ça devient de plus en plus dur. Y'a un képi pour une casquette. Les cœurs battent sans cœur. Les styles on saigne à flot. Trop de jeunes s'ouvrent les veines parce que trop de mots. Alors on pose des mots sur une démo. On crie bien haut. La sale race n'est pas prête pour le tombeau. Les braves tombent au combat. Voient les balcons plein de drapeaux. On est dans le beau drap. Rien, ça file la rage. Même quand les cages serrent comme des corsets. Lassés, le corps sonne le jour annoncé. Et là, ça va se torser. Trop pressurisé. La on guette sur Sion là. I am Sévi dans le maquis au nom de l'indépendenza. Mike Liberta, Mike Umberta. La vie est mal faite et pour beaucoup elle finit berda. Que se remplit de sales principes, gisla. Grisla. Verdure persiste, vise et mise là. Que tous ces chiens crient vive à sentenza. Le mar qui nous berce, nous on y perche. Des potenza. Mike Liberta, Mike Umberta. La vie est mal faite et pour beaucoup elle finit berda. Y nos seguimos quedando en Marsella porque allí otro grupo, Funky Family, graba este Chairs Pass and Comprar. O sea, que mi francés es una mierda pincha en un palo. Pero bueno, que se ha entendido, ¿no? Chairs Pass and Comprar. Y ahí os dejo con la Funky Family. Fíjate lo del bueno, compi. Cherche vraiment pas à comprendre. Faut que tu vois ça, que tu le vives. Les jeunes vont surprendre. On a du vice à revendre et du pognon à prendre. L'état nous pèse et tu le sais, on va se défendre. Cherche pas à comprendre, je dis ce que je vis et ce que je vois. Y'a pas que la mauvaise volonté qui t'écarte de la bonne voie. C'est vrai. Dieu sait qu'ici-bas, on n'a pas toujours le choix. Dans ma tête c'est l'orage, même si la pluie ne tombe pas. J'ai suivi un droit chemin, j'ai pas besoin qu'on me félicite pour ça. Le malheur ne reste jamais loin, le destin n'a pas béni les miens. La nuit tombe, l'impression d'être seul au monde. Ce soir le chat a l'air comme un chien entre deux rondes de Condé. Le trottoir est désert à part des clochards par terre. Le long des murs, carton couverture, les temps sont durs. À côté je vois passer des Mercedes et des Z3, y'a des sous. Le tout est de savoir où et comment les prendre. On a fait à fendre les pierres, le cœur serré frère. Cherche pas à comprendre. Cherche vraiment pas à comprendre, faut que tu vois ça, que tu le vives. Les jeunes vont surprendre. Dans la vie on a du vice à revendre et du pognon à prendre. L'état nous pèse et tu le sais, on va se défendre. Catapulté dans ce monde où la rage est à la mode. Braquage, arnaque de code, jeunes veulent faire de la caille. Dans la rue ça mène des batailles où anticiper sa mort est pire que la mort elle-même. Histoire de cam, pour mes frères ça serait un drame. Faudrait peut-être sonner l'alarme, les gosses n'ont plus rien. Faut cramer des armes, demain on rend du décalibre. C'est la rage mon frère, la vie a un goût amer. Fais gaffe où ça travaille par derrière. Observe toujours tes arrières, où tu finis en galère dans la rue. Plus que des coups en traite, plus rien à faire, plus rien à perdre. La prison c'est plus l'enfer. Tout gosse t'es plein de rêves, d'illusions. Plus la merde à la maison te ramène vite à la raison. C'est qu'on met dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut. Trop d'inégalités, cause de l'illégalité. On s'en sort comme on peut. À l'école ils font tout pour que tu lâches prise. Ils disent qu'il n'y a pas de débouché, pas de boulot. Dans les entreprises on mise sur le hip-hop. On tente de s'éloigner des trafics. Ah ah frère, les flics rafliquent. Franchement, j'ai rien à me reprocher. Mais savoir que des potes pourraient plonger me donne mal au cœur, rien qu'à y songer. Le danger vient pas que de nous, on nous considère du mauvais côté de la barrière. Qu'est-ce que tu peux faire avec un petit frère, une mère qui ne peut plus travailler, c'est clair. Par tous les moyens, faut ramener la caille au foyer. Je fais pas de dessin, j'essaie pas de nous faire passer pour des saints. On est comme on est, c'est depuis qu'on est. la situation s'améliore, qu'on se retrouve tous plus tard dehors à rouler sur l'or sans effacer le passé. Je te garantis que même plein jamais de la vie, j'oublierai d'où je viens. Hey, hey, hey, c'est compris, camarade, c'est compris. Jamais de la vie, on oubliera d'où on vient. Jamais de la vie, jamais de la vie. C'est comme ça, ça va se tirer pour ma part. Hey yo, y'a les lois à la rue et les lois de la rue, les nécessités, contraintes, petite pute qui porte plein de flics, facho, fâché, popo caché, fouille musclée, insulte raciale, bref, des nuits cachées. Je donne ma vision des faits vus de l'intérieur, prends pas peur si tu comprends pas, yeah. Faut que tu vois ça. Robocop, même la poule est en robe du Wonder Woman. Et stupe portrait pan, vrai caïd de Wayman. Mais personne nous contrôle vraiment à part le fric, le sale fric. Question dessous plus vif qu'un sale flic. Rien ne marche, riche nargue. Je n'ai pas en chasse avec hargne, caillasse charme. Sur la justice on s'acharne. Pourquoi la rage mon frère? Tourner la page sur les bavures non. Comment faire en restant dur envers le système plein de mystères? Niveau ministère de la jeunesse, beaucoup de jeunes en poster dans les bureaux. Et combien derrière des barreaux? Ou dehors planqué dans un coin avec une pique ou un garrot? Que ça plaise ou pas, je représente la délinquance. Un impertinent de plus faisant face aux conséquences. J'emmerde la harme, mon arme organe vocaux. Des gains bouche, c'est un braco haut de gamme, coco. Des potes se retrouvent en prison, pourquoi? Ma foi le fric, non c'est pire des fois. Les flics manquent de proie, les villes du FN en profitent. Les comptes képi traquent les fumeurs cheat et laissent libres les tueurs de petites. Trop de fuites dans le pays presque foutu. Si je parais grotesque ou fou, je m'en bouge pas battu. Nos familles ont toujours combattu sur le terrain. L'État voit que son intérêt, les jeunes deviennent des parrains. Y'a des vrais, y'a des faux, je parle des fous furieux. Restons sérieux, tu es un humain. Bref, qui te cause, c'est simple MC de la FF. Ils sont ni vendeurs de dope, ni SDF. Laisse des feuilles pour l'équipe du trèfle à quatre feuilles. Suivi de près par Ayam et le troisième œil. Pourquoi mes paroles sont vulgaires et je reste fier? Au ref on le sait, tu veux savoir ma sœur? C'est la rage mon frère. Cherche vraiment pas à comprendre, faut que tu vois ça, que tu le vives. Les jeunes vont surprendre, dans la vie on a du vice à revendre. Et du pognon à prendre, l'état nous baisse et tu le sais, on va se défendre. Cherche vraiment pas à comprendre, vraiment faut que tu vois ça, tu le vives. Prepárate para el verano en Beauty 360 con la depilación láser de última generación. Contamos con la mejor aparatología española del mercado. Visítanos en Beauty 360, calle Alazores, número 8, Málaga. Te ofrecemos una atención personalizada. Síganos en Instagram Beauty 360 Málaga o solicita tu cita en el 622 28 1409. 622 28 1409. Y ahora aprovecha nuestra promoción especial. Axilas, 2 años por solo 69 euros. Beauty 360, más que un centro de belleza, tu centro. ¿Eres un apasionado del arte? ¿Quieres adquirir obras directamente con el artista? ¿O eres tú el artista y no sabes dónde exponer? Tenemos todas tus respuestas. Ven a visitarnos a Artes Homasa, con una exposición de más de 300 obras que renovamos todos los meses. Compra directa con el autor o expón tus obras desde 6 euros al mes sin comisión de venta. Visítanos en Artes Homasa, calle Héroe de Sostoa 172, Málaga, 952-314-798. También realizamos enmarcaciones de todo tipo, láminas, títulos bordados, óleos. Ya no hay excusas para el arte. Te esperamos. ¿Estás organizando tu boda? ¿Una comunión? ¿Una fiesta privada? ¿O algún otro evento? Cuenta con la experiencia y el mejor servicio de DJs, sonorización e iluminación para tu evento. DJs Company. Sonorizamos todo tipo de eventos. Los mejores DJs y animadores. Los mejores equipos de sonido e iluminación. Proyección audiovisual. Te asesoramos y nos adaptamos a ti. DJs Company. ¿Buscas un acabado de calidad para tus proyectos? Juan Carlos La Seca e Impermeabilizaciones. ¿Necesitas darle un cambio a tu hogar o la fachada de tu edificio? Juan Carlos La Seca. Ponemos a tu servicio todos nuestros conocimientos en fachadas y pintura en general. Juan Carlos La Seca. Pide presupuesto sin compromiso en el 625-073709 o por correo a jcarloslaseca@gmail.com. Y daremos forma y color a tus ideas. Ah, y también realizamos trabajos de albañilería. Nada, y seguimos con más cositas con otro de Marsella que se llama Falaraos. Falaraos, que es el hermano de Shuri Kane, y lanza este... Espérate que lo lea. Plaisant Geste. Ya te digo, mi francés es para hincharse de reír. Bueno, pues la semana que viene que quiero hacer rap alemán, ahí sí que voy a flipar en colores. Pues os dejo con Falaraos y su Plaisant Geste. Yeah. Tu sais, faf, la rage, ouais. Ma main Itachi se met au fourneau pour cuisiner un fucking track. Lorsqu'il me le sert, le cahier des charges, c'est bombe au clat. J'prends ma mission au sérieux, peu importe ce qu'ils disent. Still real, mon style 90-2000. Si ce hip-hop est sous terre, j'suis Negan et Lucille. Dans ce dernier épisode, j'manie la force tranquille. J'cours pas après les trophées, ils en ont trop fait. Pas là pour briller, mais mes frérots m'ont offert le respect. J'ai fait mes bails, j'me suis battu contre les préjugés. Jugé pour avoir fait du rap et prouvé qu'il était. Pas la mode de l'été, pas le caprice d'ado attardé. Mais un souffle de liberté, la voix des plus opprimés. Aujourd'hui, il vaudrait voir mes valeurs à la baisse. S'faire un nom grâce à sa Mercedes ou à ses fesses. À ses liasses, à ses biceps, plus qu'à sa gentillesse. T'as 3 secondes pour être une déesse ou te mettre en pièce. Yeah, vas-y mène l'enquête. Kyo, Itachi et la rage ont tenu leurs promesses. Plus un mot, plus de fake mec, plus un geste. Plus un mot, plus un fake mec, plus un geste. Et tu le sais. Yeah, vas-y mène l'enquête. Kyo, Itachi et la rage ont tenu leurs promesses. Plus un mot, plus de fake mec, plus un geste. Plus un mot, plus de fake mec. Un geste. Mes phrases choc rivalisent avec une enquête en règle. La vérité c'est celle qu'on diffuse et pas celle qui gêne. Pas besoin d'être Perry Mason pour défendre le case. Trop d'artistes se voilent la face pour quelques showcase. Plus rien à défendre et rien à foutre, comment leur en vouloir. Les haters se sombrent victimes d'un effet miroir. Crétins, les lâches pensent avoir le dernier mot. Les héros en salle d'attente pour quelques pronos. Oh no. Pour s'en sortir faut plus que des tutos. Le dévol a lâché l'assaut, le salaud tout part à volo. Les frérots veulent les follow des stars du porno. Les fake news enfilent l'opinion aux infos. Pendant ce temps ça se mange le cerveau dans les labs. Vaccin contre la peur, Big Pharma fait des dabs. On n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Pression et dessous de table semble gérer le caviar. J'ai dépassé le quota de conscience sur instru. La tendance est dans la flambe ou la punch crue. Je viens pas pour vendre du rêve ou forcer mon actu. Je reste vrai dans mes interviews, mes rimes ou dans la rue. Yeah. Vas-y mène l'enquête. Kyo, Itachi et la rage ont tenu leurs promesses. Plus un mot, plus de fake mec, plus un geste. Plus un mot, plus un fake mec, plus un geste. Et tu sais, yeah. Vas-y mène l'enquête. Kyo, Itachi et la rage ont tenu leurs promesses. Plus un mot, plus de fake mec, plus un geste. Plus un mot, plus de fake mec, plus un geste. Yeah, yeah, ouais. Et tu sais, faf la rage. Yo Itachi, comme ça, plus un mot, plus de fake, mec, plus un geste. Pues ahí teníamos a Falaraos con Kyo Itachi y su plus un geste. Ya me va saliendo mejor el francés. Y seguimos con más cositas. Ahora nos trasladamos a París. Y ahí encontramos a Fab y su Classic. ¿Y dónde lo podéis escuchar? Pues aquí, en Onda Terral. ¿Dónde si no? ¡Escúchalo! L'action discrète, réfléchir, redoutable. moi j'écris des textes tranquilles et ça me saoule pas. Et si un MC m'en veut pour ça, mais à culpa, on sait lâcher la pression et c'est pour ça qu'on coule pas. J'entends tes peuras, de toute façon je sais que tu te foules pas. T'as vu? Alors je me fixe à mon idée. Et si tu te vexes à mon avis, c'est que dans ta vie, c'est pas comme ton CD. C'est dur, mais c'est comme ça que ça se passe. Mon rap est complexe, c'est pour le peuple, tout comme la lutte des classes. En face, y'a le pouvoir en place. Ces gens déplacent même les montagnes. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? J'y fonce en essayant de pas perdre la face. T'as la main? Je suis pas avec ça, classique, on taffe avec ça. Microphone branché, pire on avait. Je suis pas avec ça, classique, on taffe avec ça. Microphone branché, pire on avait. Je suis pas avec ça, classique, on taffe avec ça. Microphone branché, pire on avait. Je suis pas avec ça, classique, on taffe avec ça. Microphone. Microphone branché, je me sens tellement bien. Microphone branché, je me sens microphone branché. Microphone branché, je me sens tellement bien. Vous m'excusez? Y'a tellement de frères qui souffrent et qui sont muets que je suis obligé de causer. Des rimes posées dans le camp opposé. Et puis écouter la radio pour savoir si elles ont explosé. Au danger, je suis exposé. Au mauvais rap, je suis allergique, ça me donne la nausée. 5, 4, 4, 3, 2, 1, 2, 1. Ça suffit pas. T'envoies du S, on frappe, garçon. Sur la version, prête attention. Mon rap est une bonne fréquentation. En rotation, sur la bande FM sans effraction. J'arrive ici en une fraction de seconde. J'pose des bombes, j'suis en infraction. Provoque réaction, plus efficace que des élections. Des frictions, pas de fiction. Aucun problème de diction. Mais protégé pour ma protection. Du bonheur dans les yeux de ceux que j'aime, j'fais la collection. J'ai des connexions, côté vie pratique de la correction. Fais partie de ceux qui disent et passent à l'action. Ma fonction, m'assurer qu'ici la jonction est faite. En fait, un trouble fait pour cette nation. Danger narration, élaboré pour l'élévation. J'suis un pur produit de consommation. Élevé à la publicité et aux émissions de télévision. Voilà pourquoi je balance ça sans illusion. Sans illusion. Je pars avec ça, classique, on taffe avec ça. Microphone branché, pire on avait. Je pars avec ça, classique, on taffe avec ça. Microphone branché, pire on avait. Je pars avec ça, classique, on taffe avec ça. Microphone branché, pire on avait. Je pars avec ça, classique, on taffe avec ça. Microphone branché, pire on avait. Je pars avec ça, classique, on taffe avec ça. Microphone branché, pire on avait. Je pars avec ça, classique, on taffe avec ça. Microphone, microphone, microphone, microphone, microphone. L'action discrète, réfléchie, redoutable. Vamos con otro de Marsella, esta vez se llama Akhenaton, que es otro referente en el hip hop francés. Escuchamos a Akhenaton y su tema, el americano. Da via a ballare, ma che vuoi fare? Vuoi arrivare? Ma che caspita? A fatica, ma di fine, a fatica, mannaggia, capatore, mannaggia. Le baby napolitain fana, oui j'ai bouffé du poulpe pendant 20 ans comme Antonio Montana. Pour moi tous les Français étaient de la sorte, mais que savais-je de la vie enfermée derrière une porte. Quelque chose dans le sang parle de tout bas. À Paris je suis perdu, en Sicile je suis chez moi. La Méditerranée chante dans mes paroles qui s'envolent. Je me rappelle à l'école, je voulais être différent. Original dans le vent, ça criait l'Amérique dans tous mes vêtements. Interloquer les ignorants, glousser comme des idiots. Ok, j'ai laissé passer les rires. J'ai flippé, puis pardonné car j'aime mon peuple en mourir. Je fais l'américain, c'est un fait. Mais qui se la joue français et pèse les pieds du petit maigré. J'ai fait ces types aux origines truquées. Que Dieu fasse miséricorde à la mémoire étriquée. Si tu n'es pas de ma famille et que ton crâne sonne creux, chante-moi tant que tu veux. Tu veux voir l'américain. Tu veux faire l'américain. Tu veux voir l'américain. Americano, americano. Tu veux voir l'américain. Americano, americano. Tu veux faire l'américain. Tu veux voir l'américain. Americano, americano. Bye bye bye bye. Tout gosse déjà, j'étais fasciné par des sing-sing, des filles à maillot bronzé sur la plage, des limousines, des méchants indiens, des policiers qui gagnent toujours à la fin. Moi qui voulais devenir flic à New York paye désormais les affres d'être une crapule à Marseille. La télé faisait tout pour que mon songe vive. Je me nommais Philippe et rêvais de ma pelle Steve, jusqu'au jour où j'ai pris l'avion en 84. Et tout a changé dans ma tête, ce fut une belle claque. En fait très vite j'ai eu une honte terrible pour des 4 millions d'indiens d'Amérique. J'étais mon casque de baseball qui faisait rigoler mes amis à l'école. Et pourtant ils étaient aussi tous des petits Rital. Pourquoi ils voulaient danser le disco comme John Travolta? Le rêve américain ruine. J'irai poser des fleurs sur la tombe de Pépé Joseph à Brooklyn. S'il m'avait vu à 15 ans il aurait sûrement dit avec son accent: tout va pas l'américain. Bueno, si ya nos vamos despidiendo, ya se acabó esta horita de musiquelo bueno, como diría mi colega Fran, mi hermano Fran, escucha algo así como... musiquelo del bueno, compi. Ahí estamos, musiquelo del bueno, compi. Y os dejamos con otro grupo francés integrado por dos hermanos, Lino y Calvo, de origen congolés, llamado Arsenic. Y saca este Je t'aime d'air, pero yo voy a poner el remix. Y ya sabéis que con esto nos despedimos hasta el próximo sábado. Besito para ellas, abrazo para ellos, que paséis un gran fin de semana y no olvidéis, el sábado de 12 a 1 de la tarde tenéis una cita con el La Black Party. ¡Hasta la semanita que viene! Yeah. Ici Bois, donc Calcas, donc la brute, yo, carretier, ma braille. Ghetto style, héros, yeah. Le beat, tu me cries, les chats, braille. Un test, j'ai plus de voix. Demande une petite test. Comment de toc, j'encaisse. Pourquoi tu flippes, mec? Attends, dos. Regarde, sois un peu, tu vois le poids. Faut que je t'arrête avant que mon pote explose. Pose-toi alors si t'as les couilles. Après, j'ai gars. Yes. Car dans mon bloc, j'ai les douilles. Encore un, souillé par le sang. 954 sans ma ville. Et la VLB au mic, on est trop puissant. C'est qui? C'est Mad Fry. Qui? C'est Beck Soul. Get Soul. Asseyez, ça capte la chose. Faut pas venir me tester le thé, mais ici, ferme ta gueule comme on a un gros. J'ai failli taille, la porte a claqué. Dire bye au rap, car sa mentalité m'a fait bye. Mais je tenais trop la route, chaud comme un putain de radiateur. Ils savent que j'ai les crocs comme Russell Gladiateur. Maintenant je rappe que pour un moché. Pour entendre les MC me dire le hat, m'avoir embauché. L'excellence que je représente est manifeste, donc respecté. J'en fais trop comme un douce de vaché. Ah, ne m'en veux pas si je suis bon cookie. La patente pour rire dans l'eau croupie des rookies. Je boxe avec les mots de manière inédite. Le rap passe par le sang, pas les croire les no MC. On va alimenter les morgues, faire sauter les putes en première ligne. Et si la fauchée se pointe, t'inquiète, c'est juste un signe. Amorce les charges, on fait péter ces putains de sondages. Dommage, t'aurais voulu nous voir en marge. Ça pue la rage, dopage à la mandrolone dans nos pages. J'emmerde le monde et fais mon rap de page. Et alors j't'emmerde, qu'est-ce qu'il y a en foie? L'oméga se pointe et redonne des couilles au rap français. J'vais pas alimenter le rap de l'ingré fine. Alors préviens les toubibs qu'ils préparent les pertes de morphine. Et puis on t'emmerde, ça fiote ta gueule ou on t'fauche. On t'accroche au corbillard et on finit un coup de pioche. Le 02, tu connais le squad, tous les rois d'emmerde. Te presentamos Clarence Jazz Club, un espacio cuidado para ti en sonido, ambiente y decoración. Te ofrecemos música en directo con dos zonas a tu disposición. Disfrutarás de grandes artistas nacionales e internacionales en uno de los clubs de jazz más grandes de Europa. Si eres amante de la buena música, no puedes dejar de visitarnos. Nos encontramos en calle Danza Invisible 8, Torremolinos. Información y reservas en nuestra web clarencejazzclub.com. Por nuestro escenario pasan todo el año grandes figuras. Recuerda, tienes una cita en Clarence Jazz Club. Ven a disfrutar de música en directo en un lugar único. Fonda Terral Cultura, pileta, pila pequeña que solía ver en las casas para tomar agua bendita. Sí, ¿agua bendita? ¿Pileta? Eso es muy interesante, pero yo tengo información aún mejor. Oye, si es mejor comparte, ¿no? Restaurante Bar Pileta, en la avenida Manuel Rodríguez 24, Puerto de la Torre, Málaga. Desayunos, comidas, buen menú y especialidades gigantes como su cachopo. Eso sí que es gloria bendita. Perfecto para tapear o darte un homenaje. Reservas en el 678-8203-81. Restaurante Bar Pileta. ¿Quieres llevarte pescado fresco y limpio y fruta de la mejor calidad? Frutería Pescadería La Huerta de Moya. Estamos en la calle Lope de Rueda 67, Puerto de la Torre, frente a la pastelería Kik La Huerta de Moya. Tenemos pescado fresco o congelado. Abrimos todos los días, incluso domingos y festivos, y no cerramos a mediodía. Y también tenemos todo tipo de productos artesanales como miel, vinos, quesos. Teléfono de pedidos 952-021-009. 952-021-009. Frutería Pescadería La Huerta de Moya. La máxima calidad a tu mesa. Bar Frami. Desayunos, tapeos y comidas caseras. Nuestra especialidad es el lomo y manteca y la carrillada. Disfruta del sabor de la comida recién hecha. Bar Frami. Te esperamos en la calle Huéscar número 9, edificio Galaxia, Málaga. Teléfono de reservas 606 11 81 64. 606 11 81 64. También hacemos eventos privados a partir de 10 personas. Cerramos el local en exclusiva. Bar Frami. Estamos de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde. ¿Te vienes? Los fines de semana son mejores con la compañía de Onda Terral. En la buena onda malagueña. Nos pediste éxitos. Y nosotros te damos temazos. La mejor música. Los éxitos del momento. Onda Terral Radio.